Les gens jugent le résultat sans jamais s'interroger sur la manière pour y arriver. On lâche rien, on résiste, on survit pour les nôtres, pour les vôtres. Le résultat, c'est rien, c'est le chemin qui compte. Survivant de Brazzaville, la guerre civile. À 994, j'esquive les balles avec Sibi. On a poussé sans Monsanto, sans pesticides. Pour la villa à Monaco, il faudra peut-être sampler Beaches. Organisé dans le maquis comme Jean Moulin. Ça va mal, Jean Roulin, j'attends de miser sur le bon poulain. Survivor comme Destiny's Child. C'est le coup de la vie qui nous rend fous, c'est pas le Mistral. Faut tout baiser avant le désordre. Ça vient de l'Essonne, j'attends mon heure, t'attends les soldes. Survécu au plan casse-pipe, hey. UL Team 4 fantastique, malgré les absents dans le casting. J'ai dû brader mon innocence pour organiser la résistance. Même avec toute la volonté, difficile pour moi de montrer patte blanche. J'suis un survivant. On lâche rien, hey. On lâche pas. Tous les jours on est suivi au team. J'suis un survivant. On vient de loin, respecte ça. Ne t'inquiète pas, on a vu pire. J'suis un survivant. Pas bavard dans mes récits, des cadavres dans mon dressing. Le silence s'épaissit, mais le cœur lui s'exprime. Et les vrais me suivent à vélo ou en V6, apéro dans la vessie, essuie tes cils et fais signe. Les petits grandissent en roller où la pente glisse, enrôlés dans des plans vite où fric et nuit se blanchissent. Les moins sensibles n'ont même pas de barbe noire, mais des lames de rasoir cachées dans les gencives. RDV au ballon, même là-bas ça parle de cash. Ils font sale comble et on vide les salles de classe. Pas de sac de frappe, cogne la face B. On rêve de plage de sable, mais noie dans flaque de larmes. Faut qu'on force le passage, méfie-toi des façades et des portes de passade. Laisse ma horde de massa et mon escorte de racaille enfiler son majeur dans les robes de mariage. J'ai dû brader mon innocence pour organiser la résistance. Même avec toute la volonté, difficile pour moi de montrer patte blanche. J'suis un survivant. On lâche.